Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver sur cette antenne pour une émission consacrée à un ouvrage qui est sorti cette semaine, un ouvrage qui est sorti des presses évidemment, le troisième opus historique du groupe Mémoire, intitulé du livre « La décennie sombre 1939-1949 », 272 pages, 800 photos et documents, un travail que l'on peut imaginer facilement colossal, une immersion dans le passé belgardien. Un passé qui, semble-t-il, est allé au-delà de la passion de nos invités. Vous allez les entendre dans un instant. Ça vous a pris aux tripes, plus que ça même. Oui, 272 pages, et il aura fallu faire des choix, forcément, dans ce bouquin, qui a pris des mois et des mois d'écriture. Il aura fallu faire des choix dans les photos, les thèmes, et même parfois des choix dans les événements. Et pourquoi pas citer des noms, ça aussi, il a fallu faire un choix. Ça a sûrement nourri pas mal de discussions. En attendant, le livre est sorti. C'est un vrai bonheur. On l'a ici dans nos studios. On a nos invités. Une mention spéciale à tous les auteurs. On en a une partie ici. Une mention spéciale parce que l'ouvrage est juste exceptionnel. Bravo à tous et à toutes. Nos invités ce matin dans nos studios, Christophe Vitt, Eric Toiseux, Thierry Martinet, Bernard Guelzo. Merci d'être là. Merci Ludo d'être derrière les manettes. Et je passe la parole à Guy Catlan qui a un petit mot à dire pour l'accueillir. Merci Robert. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et surtout bonjour à vous qui êtes là. Le groupe... Une partie du groupe Mémoire. Tout d'abord, messieurs, donc, merci de votre présence pour nous parler de votre travail. Une fois de plus, le groupe Mémoire a tapé fort. L'ouvrage qui vient de sortir des presses est l'aboutissement de ce travail. Et vous méritez des félicitations appuyées. C'est ce qu'il vient de faire et c'est ce que je fais également. Nous avons parcouru quelques pages et que ce soit du début à la fin de cet ouvrage, le travail de Mémoire est fabuleux. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons reçu pas mal de vieux combattants qui existaient encore, hélas, qui existent encore d'ailleurs pour une partie encore. Et on connaît un petit peu l'historique. Donc voilà pourquoi on se permet cette chose-là. Et je le dis, il ne reste malheureusement plus beaucoup de témoins de ces années et de ces années sombres qui nous ont apporté, que nous a apporté la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement dans notre bassin de vie. En parcourant ces pages, un article parmi d'autres a attiré un peu plus particulièrement mon attention. Permettez-moi de vous le lire. La salle des visites en douane de la gare PLM, ornée de blasons et coiffée d'une verrière, était d'ordinaire consacrée à la fouille par les douaniers des passagers du train en direction de Genève du 10 au 12 février 1944. Elle fut le lieu d'un événement sinistre. Les Allemands et la milice profitèrent du fait qu'un mètre de neige venait de tomber et bloquer la ville pour y lancer une opération de répression d'envergure dans le cadre de l'opération corporale lancée contre la résistance et les Juifs. Ils y emprisonnèrent leurs victimes de la véritable rafle lancée dans la ville. Plusieurs personnes, dont Victor Fredos et Louis Chanel, y passèrent la nuit du 11 au 12 février. Le lendemain matin, 10 Belgardiens et 63 autres personnes des environs furent déportés en train, d'abord vers Lyon, puis vers les camps de concentration et le centre de mise à mort d'Auschwitz pour la famille Jukowski. Le maire, Zéphrin Jantet, réussit à s'échapper, mais sa maison, dans Bellegarde, et son entreprise à Tacon furent incendiées avec interdiction aux pompiers d'intervenir. Dans la région, des rafles plus importantes encore ont eu lieu à Génicia le 12 février, à Nantua ou à Oyonnax. Selon Jean Marinet et Robert Molinati, aucun Belgardien n'aurait été membre de la milice et aurait participé à cette opération. En revanche, l'un des miliciens les plus tristement célèbres de la région Rhône-Alpes, Francis André, dit Gueule Tordue, aurait été présent à Bellegarde. Ce collaborationniste, c'est-à-dire partisan de l'idéologie nazie, était membre du Parti populaire français qui œuvrait en faveur de la victoire allemande. André fut au service de la Gestapo et de Klaus Barbie. Il fut exécuté en 1946. Cet article, c'est Christophe Witt qui l'a écrit. J'ai tout simplement... Non, mais bon, je le dis parce que... Émotion. Oui, mais On imagine assez facilement toutes les émotions qui ont pu être ressenties, vous qui avez bossé sur ce bouquin. Combien de temps ça a pris ce bouquin au total, depuis le lancement de l'idée? Je me suis dit que tu n'allais pas pouvoir finir. Si. Je me suis dit que tu n'allais pas pouvoir finir, c'est pour ça que j'ai enchaîné. Alors finis. T'as bien fait, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'émotions. Non. Quand on a lu cet article, on s'imagine ce que pouvait être la vie pendant cette triste période. Merci d'être là pour nous parler de ce travail de recherche et perpétuer encore ce devoir de mémoire. Parce que ça, c'est quelque chose de fabuleux. Pourquoi je dis ça? Quand il y a des commémorations, le 75e, le 70e, le 65e, de ci, de là, par ci, par là, des réunions au Monument aux Morts, quand on évoque la résistance, les anciens combattants, il y a toujours une émotion qui est... Elle est sensationnelle. Et on discute souvent avec les anciens combattants qui restent et qui sont là avec leur porte-drapeau. Et puis l'émotion qui est dans leurs yeux et les paroles qu'ils nous disent. Je vais vous dire quelque chose. Christophe. Moi, je suis prof d'histoire depuis un peu plus de 15 ans maintenant et j'ai toujours eu un rapport très particulier à la Seconde Guerre mondiale. Adolescent et jeune homme, ce sujet me passionnait. Et après, ce sujet est devenu trop fort pour moi et j'ai eu besoin de le fuir pendant des années. Et ça fait plusieurs années que j'ai pas de classe de première parce que depuis que je suis père, parler de la Shoah en classe m'est insupportable. Et je finis toujours par avoir les larmes aux yeux, ce qui est à mon avis catastrophique quand on est prof, parce qu'il faut essayer de prendre du recul. Et du coup, voilà, qu'on commence l'émission par une si forte émotion, eh bien, ça renvoie à toute la difficulté de ce sujet. Et tout ce qui me stresse dans ce sujet, c'est-à-dire, voilà, il y a un poids historique énorme et c'est une responsabilité d'écrire sur ce sujet qui est très très grande. Enfin, pardon. C'est bien que ce soit Christophe qui attaque, parce que finalement, même si on est une dizaine à peu près, hein, une dizaine, tout le monde a un petit peu participé, mais il y en a qui ont participé beaucoup plus que d'autres. Christophe en particulier, puisque vous voyez, l'ouvrage a en grande partie le sien. Et puis, c'est le chef d'or, le grand patron. Et puis le deuxième, c'est Thierry, parce que, au point de vue de la qualité du bouquin, c'est impressionnant. Hein, donc, Et puis le troisième, c'est le chef du groupe. Mais bon, là, il est un petit peu discret, mais il aura plein de choses à dire tout à l'heure. Comment est-ce qu'on travaille si tu as parlé de chef d'orchestre, comment est-ce qu'on travaille ensemble avec des talents différents? Il y a la photo, les documents, les souvenirs, l'histoire. Enfin, comment est-ce qu'on met tout ça sur une table, on fait un bouquin? Alors, on est parti quand même sous la direction de Christophe, avec des pistes bien précises, des rôles bien précis. Enfin, moi, en ce qui me concerne notamment, j'avais commencé par scanner tous les documents sous forme de négatifs, plaques de verre, tout ce qu'on pouvait avoir, notamment ce que le père de Bruno Alès, donc Jean Alès, avait récupéré à l'époque lorsqu'il exécutait des copies en double de tous les clichés que les Allemands avaient amenés à développer, puisqu'à l'époque, je crois qu'il travaillait à la SADAG. Et qu'il avait une patente de photographe en double. Moi, j'ai déjà du mal à imaginer comment, dans cette période difficile, on pouvait avoir suffisamment de produits chimiques, de pellicules, de choses comme ça, de papier pour faire des tirages. Et les documents qu'il a conservés, au risque de sa vie ou de beaucoup de choses, parce que quand on voit ce qui pouvait se passer à l'époque, il les a conservés, il les a gardés, il les a transmis à son fils. Et tout est parti de là, puisqu'à l'époque, il m'a remis les négatifs en me disant « je pense que ça pourra t'intéresser ». Et effectivement, ça n'a pas intéressé que moi. Donc on a rebondi et c'était lourd de conséquences de partir dans un tel ouvrage. Mais effectivement, sous ta direction et le côté un peu historique de la chose, ça s'est très bien passé. Donc on a eu des voltigeurs, on les a cités comme ça cette semaine ou la semaine dernière dans la tribune, qui sont allés pêcher des informations, recouvrir, essayer de comprendre, de collecter des choses. On a eu d'autres documents, on a trouvé des écrits. Il n'y a pas tout, de toute façon, on ne pouvait pas tout mettre, c'est pas possible. Non. C'est un ouvrage collectif. Mais quand même, on l'a trié. En fait, une partie des articles sont sortis dans le Dauphiné tous les vendredis. Et après, Christophe nous a fait une grande trame en disant « il y a tel article, puis là, c'est toi qui vas faire ça, c'est toi qui vas faire ça ». Donc, on a obéi aux ordres. Hein. C'est un bourreau. Il y a des profs qui ne sont pas comme ça. Non, mais à la limite, tu peux demander, mais est-ce qu'il dort des fois? C'est affolant, hein. Tu recevais des trucs à 11h du soir. Même quand il est en grève, il travaille. Je veux bien évoquer la grève, mais c'est peut-être pas le sujet aujourd'hui. Thierry, oui. Non, c'était très carré hein, comme, Bon boulot. Moi, j'ai une vision un petit peu parallèle parce que j'ai fait toute la composition du livre qui a pris à peu près plus de 4 mois pour rassembler un peu tous les éléments. Moi, j'ai eu l'impression que ce bouquin devait sortir, comme si tous les éléments étaient rassemblés à un moment donné pour dire voilà, maintenant, les gars, tout est arrivé. Parce qu'il a fallu avoir aussi le bouquin. Moi, je tiens à le préciser. C'est grâce à l'effort financier de la mairie. C'est-à-dire, si la mairie n'avait pas investi pour offrir ce livre à nos aînés, le bouquin n'aurait jamais vu le jour. Nous, on a une chance extraordinaire avec ça. C'est qu'on a la possibilité de pouvoir nous exprimer, enfin sortir concrètement ce qui nous fait plaisir. Dans ce groupe, il y a une cohésion extraordinaire. Jamais d'engueulade, rien. Une passion qui nous soude. Et moi, j'ai eu l'impression que ce bouquin, aussi bien du côté municipal, du côté historique, éléments, témoignages et tout a été rassemblé à un moment donné pour que ce bouquin sorte et devait sortir. Ça, c'est une étrange impression que j'ai. Il y a eu voilà. Et puis, pour parler d'émotion, moi, je m'en suis imprégné pendant 4 mois. C'est-à-dire que les collègues du groupe Mémoire, eux, ont travaillé chacun de leur côté sur tel ou tel sujet. Éric, Christophe, Michel Blanc, qu'on salue au passage, Bernard et d'autres. Mais moi, quand j'ai assemblé ça, moi, j'ai été complètement immergé. J'étais en immersion carrément dans les événements et tout corroborait avec ce que mes grands-parents et mes parents me racontaient. Quand on est gamin, 10, 12 ans, ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Où les vieux nous racontent des conneries, nous on s'en fout, on n'a pas connu la guerre, on est là, voilà. Mais en plus, moi j'ai eu la larme à l'œil sur certains chapitres. Toi, ta réaction, mon cher Guy, c'est moi je l'ai connu. Moi je l'ai connu à la fin, je l'ai connu peut-être d'une autre manière quand le bouquin est sorti. On a tous eu une grosse émotion quand on a eu l'ouvrage dans les mains. Mais quand vous voyez des photos, vous avez des témoignages sur des gens que vous avez connus ou vous connaissez. Et vous commencez à réaliser que ces gens-là, aussi discrets qu'ils auraient pu être à la fin de leur jour, ont vécu ça, ils disent « c'est pas possible ». Donc tu ne peux pas ne pas craquer. Et ce bouquin devait sortir. Après, voilà, l'explication. Juste deux mots. On a reçu ici, comme je le disais tout à l'heure, pas mal de gens. Moi, j'ai le souvenir d'un bonhomme qui s'appelle René Sauge. Ouais, on l'interrogeait d'un seul coup, d'un seul. On a fait une petite pause, Il s'est levé. Robert avait mis, je me souviens plus la chanson, le thème. Je ne sais pas si c'était pas. Ouais, un truc comme ça. Le mec, il était là, à la place d'Éric. Debout. Garde à vous. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est levé. On s'est levé aussi. On s'est mis au garde à vous. Ah, mais c'était absolument inattendu. Hein. Mais, des émotions, voilà quoi. C'est le chant des partisans, je crois. Le chant des partisans, voilà. Donc, c'est ça. Forcément, ça. Enfin, c'était un très très beau. C'était un boulot, un très très gros travail, mais ça a filé comme. Il n'y a pas eu d'embûche, il n'y a eu rien. Pardon. Si tu le permets, Thierry, oui. Je pense que. Parce qu'il faut le dire aussi, l'implication de ce bouquin, de ce travail, en tout cas de l'équipe que vous avez mis en place, de cette mémoire vivante, tu en es un petit peu à l'origine au départ. Tu étais à la mairie à l'époque. Enfin, en tout cas, alors, tu étais bien dans la gonfle. Le premier ouvrage qui est sorti, qui était le premier opus de cette collection, puisqu'on le groupe l'a imaginé comme une collection, il y aura des suites. Pas si Régis nous entend, il n'y a pas de souci, Régis. Il y aura une suite. C'était à l'époque de ma mandature quand j'étais délégué à la culture. Moi, j'avais impulsé ce bouquin et la naissance du groupe Mémoire en revient à Jean-Pierre Fillon. Oui, bien sûr. Et Régis, et moi, quand j'étais, enfin, moi, plus modestement, voilà, et l'idée est partie. Donc, moi, j'ai piloté le bouquin à l'époque sur les commerces qui a donné naissance au troisième maintenant. Et si je peux me permettre, à l'époque, le groupe Mémoire n'était pas constitué. Voilà. C'est-à-dire que c'était une initiative de la municipalité, dont j'ai aussi fait partie, et c'est vraiment le premier livre, et on a beaucoup progressé d'ailleurs depuis, et ça a été à l'origine de la création du groupe Mémoire. Notamment, j'ai parlé tout à l'heure des photos de Bruno Alès qui nous a remis. À l'époque, on en avait beaucoup discuté avec Dominique Saint-Pierre, qui venait d'écrire un livre sur les gorges du Rhône et les gorges perdues du Rhône. Et à l'époque, Dominique Saint-Pierre me dit « Des documents comme ça, il faut les déposer aux archives de l'Ain. » Effectivement. Et en discutant entre nous, puisqu'on venait de se réunir pour le précédent ouvrage, avec Jean-Pierre Fillon, Régis Petit dit non, ça faut que ça reste à Bellegarde. Mmh. D'où l'idée de créer un groupe qui s'est appelé la commission mémoire au départ, on ne savait pas, type associatif ou pas, et le groupe mémoire est né, et puis il s'est enrichi de différents membres qui nous ont rejoints au fil du temps, pour créer le deuxième opus consacré à des articles qu'on avait publiés dans le Dauphiné, et à celui-ci qui s'est spécialisé dans la thématique de la destinée sombre. Hein. Mmh. Mais la Tribune a donné aussi ses archives. Voilà. Oui, aussi. Hein, ça, c'est beaucoup plus récent, mais alors c'est formidable. C'est formidable parce qu'on a collecté toutes les archives qui sont stockées dans notre local. Parce que c'est la Tribune, c'est le Gessien, c'est l'avenir régional. Ça fait. Et là, on puise dedans maintenant. Donc c'est pratique hein, quand on a besoin de renseignements. Moi, je voulais citer aussi quelqu'un qu'on n'a pas cité, qui a participé aussi à l'ouvrage dans la dernière partie pour la correction et autres. C'est Jean-Noël Guinet qui fait partie aussi du groupe, qui nous a rejoint et qui a fait un gros travail de correction. C'est pire qu'une mémoire, c'est un calendrier vivant. On lui cite un fait, on a la date. Tout de suite. Presque l'horaire. Ah, il est sensationnel, ce mec. Il a une mémoire. Ah ouais, c'est fou, ça. Moi, j'aimerais savoir comment se sont déroulés. Enfin, Thierry, tu disais à l'instant, il y a vraiment une sacrée cohésion dans ce groupe mémoire. On est une dizaine, ça se passe super bien. Il y a bien eu des moments, des discussions, j'allais dire un peu serrées, un peu tendues, non ? Ne serait-ce que par rapport à... Non, c'est une question. Non, hein. Pas du tout. Si, vas-y, une fois, quand même. Au tout début, quand on a commencé les séries de photos du vendredi là, pour le journal du Dauphiné, très rapidement, les photos sur la Seconde Guerre mondiale étaient tellement belles que c'est devenu nos premiers textes. Et parmi les premières photos moi, qui m'ont marqué et sur lesquelles j'ai eu envie de parler... Celle que tu voulais pas. Il y a eu les femmes tendues à la libération. Et ce travail-là, c'est un des seuls textes qui a été aussi dur à rédiger, qui a été discuté. Il y a eu un ping-pong. Est-ce qu'on floute ou pas les visages ? Et moi, j'étais contre en disant, c'était il y a 75 ans, il faut, les choses doivent être dites. Il y a eu des documentaires à la télé. Je me souviens du documentaire de Patrick Rothman, il était 44, où on voit des femmes tendues, des lynchages. Je me suis dit, non, il faut qu'on assume. Et en fait... J'ai pas la même position que tous les autres parce que moi je suis nouveau ici. J'habite à Bellegarde depuis 15 ans. Et pour moi, ce sujet, il m'est. Mais ce sujet, pour moi, comment vous dire, c'est un sujet intellectuel qui est chaud en émotion. Mais je veux dire, c'est pas ma vie, je me sens pas concerné, c'est pas les gens que je connais. Et finalement, cette pression-là sur les gens d'ici qui vont découvrir le livre, je l'ai aujourd'hui, là, en ce moment. Voilà. Alors que vous l'avez eu tout de suite, et la question, c'était est-ce qu'on publie ou pas cette photo-là ? Même beaucoup plus généralement. Enfin, moi, ma première réaction, c'est de dire, on va pas faire un ouvrage comme ça. Déjà, on est un petit peu tordu de l'offrir à nos anciens. C'est pas un thème de Noël, on va dire. On le met dans le paquet, la municipalité l'offre. Je pense que ça va éveiller quand même pas mal de souvenirs. Hein. C'est formidable. Et on a bien réagi quand même, parce que ce côté des femmes tendues, l'article qui avait été rédigé à l'époque par Christophe, il est très positif. Je veux dire, c'était pas le côté voyant, le voyeurisme sur cette situation-là. Ça a permis quand même d'attaquer un sujet qui est quand même lourd de conséquences. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu à s'engueuler entre nous pour des choix ou des choses comme ça. On a par contre filtré des documents photographiques qu'on ne souhaitait pas mettre dans un livre ou même communiquer, quel qu'il soit, à quelques moments. Vous avez des documents qui attestent. Les charniers aussi. Enfin, des charniers, on a été très soft sur... On peut montrer quand même. Oui. Il y a également des lettres de délation. Oui, sont plutôt, quand on les cite, un hommage à ceux qui ont été dénoncés, puisqu'ils sont partis dans la résistance. Le seul document que finalement on a censuré, vous savez, c'est une archive du département de l'Ain à propos d'une famille qui habite près de la Valserine et qui dénonce dénonce ceux qui passent clandestinement la ligne. Et il y a les noms. Alors là, on s'est dit, cette famille-là, on va pas la nommer. Ça peut être une bombe. J'avais quand même regardé dans les passes jaunes et blanches pour voir s'ils habitaient encore par là. Il me semblait pas, mais au cas où. C'est impressionnant de savoir que quand il y avait la ligne de démarcation, jusqu'en fin 42, on va dire, il y avait du côté français des gens qui prenaient beaucoup de notes dans les ministères et qui avaient des rapports, des comptes rendus très circonstanciés, très détaillés, pour servir à la fin de la guerre. Donc tout était relaté dans les faits, précision, le jour, l'heure, les noms des intervenants, ce qui s'était passé, la triste réputation de ceux qui avaient dénoncé, ceux qui passaient la Valserine pour rentrer du boulot, parce qu'ils travaillaient à la papeterie. Voilà, donc on a des documents comme ça qu'on ne peut pas sortir aujourd'hui. Mais effectivement, ça renseigne quand même sur l'état d'esprit de ce qui pouvait être vécu par les habitants de Bellegarde à l'époque. Ah oui, moi, c'est moi, lourd, très lourd. J'ai lu les quelques pages donc, en PDF que Thierry nous a envoyées à la radio. Ah ben oui. Bah ça, j'ai encore les frissons, quoi. Et c'est vrai que je le vois, cet article, hein, que vous avez écrit. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, voilà, il y a quelque chose. Ça, je l'avais jamais entendu. Je l'avais jamais, j'avais jamais vu ce qui était écrit. C'est lourd, hein. C'est très, très, très lourd. Et attention, quand Thierry envoie le PDF, Robert m'envoie le lien pour aller le chercher. Je suis allé chercher ça. Le lendemain, je vois Robert, puis je lui dis, écoute, leur bouquin, là, on a vécu ça, quoi. Je veux dire, on a eu plein de mecs qui sont venus, là. Le lendemain, je lui ai dit, oulala, là là, mon pauvre, lis-le, regarde. Oh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. J'en ai les frissons, là. J'en ai les frissons. Le but était vraiment de... Parce qu'il faut qu'on rende hommage à ceux qui ont écrit avant nous, quoi. Robert Molinati et Jean... C'est vrai. Voilà, ont publié Crystal c'est 4, c'est vrai. Qui était une énorme base. Enfin, ce ouais, premier ouais. livre-là, il est fantastique. Ouais. Et le but était de le compléter. On ne peut pas le remplacer, mais le compléter en abordant peut-être des thèmes moins connus, notamment autour de la ligne sur la Valserine et le Rhône et les flux clandestins. Et là, on peut rendre hommage à Tardy, Roger Tardy, qui nous a fait part de ses mémoires. Il est ancien historien, il a plus de 90 ans aujourd'hui, et 95 même, et il nous a écrit des textes qu'on a retravaillés un peu pour garder notre format de texte court, mais où il nous raconte comment il se retrouve séparé de sa famille et ils viennent se voir sur le pont du tram, comment il franchit clandestinement le Rhône grâce à un câble. Si à, il faut ah bah oui, oui. on les a coupés, ouais, on les a coupés un peu. Mais vous savez, il y a des gens qui vont être très très très surpris. Hein. Moi j'ai vu une photo là où il y a les par exemple les sans pardon à Éloise. Ouais. Thierry tu... avec leur nom. Ouais. Je veux dire, c'est quelque chose. C'est... Aïe, aïe, aïe. Moi, je vois des mecs comme Albert, je vois des mecs comme là, enfin, Ninet, je vois. Yeah. Enfin, plein de gens que j'ai connus, quoi. Que, et jamais j'aurais imaginé. Moi, Albert Ninet m'a jamais parlé de ça. Plutôt Jeannot. Mais Albert m'a jamais parlé de ça. Il y a. Vazette. Merde, comment il s'appelait oui, enfin, bref, Vazette qui me disait. Oui, oui. Henri. Non, c'est pas Henri Vazette. C'est pas Henri Vazette. Il doit être Legacy. Oui, voilà. Il y a plein de gens comme ça que moi j'ai connus, quoi. Oui, c'est pour ça que je te dis. Quand moi j'étais gamin. Et puis voilà. Jean Vazette. Jean Vazette. Et puis d'autres. Puis d'autres. Il y en a aussi de Saint-Germain-sur-Rhône. Enfin bref. Il y a Raymond Marmonnier qu'on a eu ici. Un des partisans de qu'il a donné, enfin, il a donné pas mal de choses au musée de Nantua, ouais. Raymond Marmonnier, notamment, il parachutait à l'époque dans des gros conteneurs. Ouais, et ouais. Donc, il avait donné ce conteneur que nous, on avait vu, vu chez Raymond. Ah ouais. Et puis, quelques temps après, il nous l'a fait voir. Il y a des photos, par exemple, tout le monde connaît la place des frères Zanarelli. Oui, bien sûr. Ah ben non, Zanarelli. Donc là, on a deux pages qui sont consacrées. Ouais, on a deux belles photos. Ouais. Des photos des deux frangins. Ouais. C'était les gamins. Ouais. Les gamins qui avaient 17, 18 ans. Bon, à l'époque, sur la photo, ils paraissent. Les Anardo-Éloises. Voilà, donc. Il y a plein de photos qu'on n'a pas pu mettre sur les frères Zanarelli parce qu'on a toute la commémoration. Quand les gens vont à l'endroit, ils ont été assassinés. Donc, c'est impressionnant. On a encore beaucoup de sources documentaires. Voilà, il y a les photos, par exemple, de la Libération avec des chars américains qui défilent dans la rue de la République en face du pressing chez Dépigny. Ouais. Voilà, qui remontent la rue Paul Pinlevet avec des Alftrak, des Jeeps, enfin des commandes cars, ouais. etc. Ça, c'est des fabuleux, trucs complètement fous, quoi. Le bouquin est fabuleux, c'est pour ça que les photos, c'est... Comme je disais à Robert, je lui dis, il faut le regarder parce que, voilà, ça parle. Il est parlant. Alors, moi, j'aimerais juste apporter une petite précision sur le côté technique. Pourquoi les textes sont aussi gros oui. À l'origine. J'espère bien que c'est la même raison pour laquelle je pense. Enlève tes lunettes. Tout est dit là. Voilà, on a tout dit. En fait, l'idée première était de quand on a sorti le bouquin sur les commerces, c'était d'avoir un livre en grande partie qui était offert à nos anciens, ceux qui prétendaient avoir le colis de Noël, et ces gens-là ont quelques difficultés à pouvoir lire les bouquins. Donc c'était d'avoir un corps qui était relativement important, et on est resté dans cette optique-là, sans faire de mauvais jeu de mots, pour avoir une lecture qui était assez aisée, sans correcteur. Moi, je me posais une question, parce que là c'est à la limite, ce bouquin est incomplet, quelque part. Incomplet, parce que... De toute façon, ce sera toujours incomplet. La question que je me posais à Thierry, c'était est-ce qu'il y a encore des familles dans des maisons, et il y a des archives qui sont dans un coin et personne ne s'en occupe, et des documents... Oui, forcément. Il y a sûrement, mais il y a aussi une réaction. C'est-à-dire, les gens, quand ils vont découvrir le bouquin, ils vont dire « Ah, mais moi, j'ai des photos. Ah, mais moi, j'avais ça, pourquoi j'aurais bien aimé dire... » etc. Mais c'est toujours après coup, ça. Et on l'a eu, c'est une réaction qu'on a eue sur les précédents bouquins. Ouais. Christophe, Eric et puis Bernard peuvent en témoigner. Alors moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui étaient relativement discrets sur cette période de leur vie. Moi, je sais qu'on ne l'a pas noté ici, mais dans ma belle famille, j'ai des cousines qui ont appris que le père était résistant, alors que moi, j'ai récupéré des documents, la carte de résistant, son engagement par la suite dans l'armée, à la libération et autres. Et c'est des gens qui ne parlaient pas de leur passé. C'est une période Alors... À tort ou à raison, je dirais, mais il fallait aller extirper les renseignements, ce qu'ont très bien fait Guy et Christian. Avec un peu de chance, ça va peut-être faire sortir pas mal de choses. Et nous, on est toujours prêt à tout recueillir. Et à faire un second tome. Au maximum. Le devoir de mémoire est important, ne serait-ce que mémoire personnelle, connaître nos racines, notre vécu, notre histoire, même à titre personnel, dans notre famille, connaître nos racines, nos aïeux, etc. Pour un habitant de ville comme Bellegarde, qui est une ville relativement jeune, hein, 1858, transfert de Musinan à Bellegarde, etc. C'est-à-dire, c'est important pour des habitants d'une ville de connaître un peu son passé, ses racines, ce qui s'est passé, ce qu'on a vécu. Ça, c'est très extraordinaire. Moi, je veux juste revenir une petite parenthèse sur un témoignage. On dit qu'on a des gens qui sont venus nous voir ou des grosses émotions. Moi, j'ai un témoignage. Il était encore chez moi hier après-midi. C'est Charles Roux. Charlie, tout le monde connaît. Qui c'est qui ne connaît pas Charlie ? Charlie, vous le voyez, c'est un type, on dirait, il a une soixantaine d'années. C'est un type qui a 81 ans, qui a vécu à l'âge de 6 ans un épisode assez dramatique quand il habitait Collonges. Il nous racontait qu'à l'âge de 6 ans, il a vu débarquer chez lui un Allemand avec un pistolet mitrailleur, une grenade dans les bottes, hurlant dans la baraque. Il cherchait son père monté à l'étage. Quoi. Pour lui, quand il me raconte ça, Charles, il éclate en sanglots. Donc quand vous êtes seul face à un gars comme ça, vous ne pouvez pas vous retenir, c'est pas possible. Et Charles, il a eu un petit témoignage, on a condensé. Christophe a remanié un petit peu son témoignage, comme il le fait super bien. Et voilà, c'est un hommage qu'on lui devait. Mais des gens comme Charles Roux, il y en a plein, des gens qui sont discrets. Mais Charles, il avait besoin de parler. Ces gens avaient besoin de parler, c'est une vraie thérapie pour eux. Donc toute son enfance est revenue à la surface. Moi, le condensé que Christophe a écrit, moi j'ai 2 heures d'enregistrement. Donc pas tout mettre pour écrire un bouquin. En médecine. Oui, l'idée. Du coup, j'ai plusieurs choses à dire. Mais l'idée du livre, c'est que voilà, on garde des textes courts, environ 1000, 1500 signes. Parfois, on arrive à 2000. Et du coup, le livre peut se lire de deux manières. Soit on lit de manière continue. Et j'ai essayé, et on s'y est tous mis après, de faire un plan pour qu'on traite un peu tous les sujets. Mais également, chaque texte est autonome. Donc, on peut très bien le parcourir. Et j'espère que ça marche. Mais l'idée, c'est que si on lit un texte seul, normalement, on peut à peu près comprendre la situation globale. Surtout que certains textes, maintenant, ont 3-4 ans. C'était parmi les tout premiers qu'on a écrits. Et puis, cet été, on en a fait plein d'autres pour combler les trous. Parce qu'effectivement, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, la composition du livre, elle est venue très lentement. Au départ, on a commenté quelques photos, on a fait le gros bouquin de l'année dernière et instantanément, je voyais déjà celui de cette année et je me suis dit... je crois que dès le mois de janvier, je leur ai envoyé un plan. Ouais. Non, mais dès le mois de janvier, je leur ai envoyé un plan en disant, regardez, on a abordé ça, ça serait peut-être bien de trouver des éléments sur d'autres choses. Et j'insiste vraiment sur le côté équipe et collectif. C'est-à-dire que quand j'écris en janvier une sorte de plan pour dire, faudrait qu'on aborde tout ça, tout le monde se met au boulot sans forcément écrire. C'est-à-dire que c'est facile pour moi d'écrire, c'est mon travail. Mais il y a tous ceux qui nous vont apporter des archives, des documents, ceux qui connaissent tout le monde dans la ville. Enfin, voilà quoi. On s'y met et on a ça. Ce qui était à faire, c'était en rouge. Hein. Oui. Ce qui n'était pas fait, c'était en noir. L'origine, c'est un bouquin qui devait faire un peu plus de 120 pages. Il est passé à 150. Je sais pas m'arrêter. Ensuite, il est passé à 170. Quand on est arrivé à 200, j'ai dit, hé les gars, attention, parce qu'on va plus être dans le même budget. Allô Régis, écoute, ouais, on a dépassé un peu l'enveloppe et on a fini, on aurait pu aller jusqu'à 300. Ouais, on est arrivé à 262 effectifs, hein, sans compter les pages de garde, c'est etc. C'est la passion qui vous a bouffé, hein, quelque part. Et surtout, on avait des documents. Mais je peux vous garantir qu'on peut ressortir un tome 2 avec ce qu'on a. Oh, oui, non, du coup, deux choses encore. Il y a des documents qui sont publiés intégralement et qui sont lisibles, des journaux d'époque, des lettres. Ouais. Et ça, il me semble que c'est un plus, parce qu'il y a non seulement des photos, mais plein de documents. Donc celui qui veut prendre le temps de les lire, on peut vraiment être immergé dans les sources. Et j'ai perdu le fil, mais l'autre chose, si, voilà, ça va pas être complet. Faut que j'accepte cette idée-là qui me stresse, mais ça va pas être complet. Il y a forcément des fautes. Contactez-nous, on va corriger, on fera des comptes rendus dans la presse. Mais c'est quand même un travail d'histoire, un travail de prof. Hein. Ah bah oui. Et en l'occurrence, est-ce que c'est la vérité, toute la vérité ? Oh là là, la vérité en histoire. J'ai une question. Est-ce que vous croyez que vous avez bien fait de faire un bouquin comme ça? Franchement, on en est persuadé. Oui, vous en êtes persuadé. Comme j'ai dit, ce bouquin devait sortir. Ouais, moi, j'ai senti une force, une puissance, chacun l'interprétera comme il veut. Mais moi, j'avais un ressenti que ce bouquin devait sortir. Parce qu'avec la somme de travail qui a été faite, la manière dont ça s'est produit, tous ces éléments, ces maillons de la chaîne qui ont été assemblés depuis 2-3 ans pour arriver à un bouquin comme ça, sans difficulté. On va dire, allez, il y a eu peut-être cette satisfaction sur cette photo ou deux ou trois photos. Ça s'est passé, comme une lettre à la poste. Et pour moi, ce bouquin devait sortir. Voilà, c'est tout un ressenti personnel. Hein, après, c'est un gros travail, Thierry, puisque tu as le micro, oui. Chacun a son micro. C'est un gros boulot au niveau des photos. Est-ce qu'il a fallu les retravailler, les passer, je ne sais pas, par des... Ce sont pour une grande partie issus de la collection à l'Est, de très petits formats, qui ont été faits avec un appareil photo dans des conditions un petit peu pirates. Hein, parce que si le père Alès s'était fait piquer en train de prendre des photos, ou de les Allemands avaient su qu'il en avait fait un double, Jean serait passé à la casserole. Donc c'est des photos qui sont très intéressantes, même si qualitativement elles ne sont pas au top, elles ont quand même un intérêt, parce que c'est un témoignage, c'est un moment de vie, c'est une émotion, une action qui a été saisie sur le fait. Alors effectivement, il a fallu les retoucher. Moi, je les ai retouchés. L'éditeur en a retouché derrière, parce qu'il fallait retoucher les contrastes. Guy, qui est de la profession, pourra dire effectivement l'énorme travail que ça représente. Parce que maintenant, on a la facilité de travailler à l'ordinateur. Mais avant, il n'y avait pas ça. Il y avait le labo photo, etc. Il y avait la compo, il y avait les machines. Enfin bon, le rédactionnel, les correcteurs. Tout ça, maintenant, à l'ordinateur, se fait de manière un peu plus aisée. Mais c'est quand même un énorme travail. Il fallait choisir également quel est le format on va donner à telle photo. Est-ce qu'elle a vraiment une importance? Et puis, il y a quelques frustrations, par contre, parce qu'il y a des photos qui ont aimé être en pleine page. On était limité, c'est-à-dire par thème, on avait deux pages maximum. Il y a certains thèmes plus importants où on a consacré 6 ou 8 pages, comme le témoignage de Louis Chanel, ou le barrage de Génicia, ou la déconstruction des usines en bas. Il a fallu sélectionner. Donc voilà. Et moi, l'avantage, comme disent ces émotions, moi, je les avais en pleine gueule à l'écran. Sur un écran qui fait 50 cm de diamètre, il y a des photos où j'agrandissais. Il y a des détails sur certaines photos qu'on ne voit pas dans le bouquin. Et on retrouve des têtes comme Denis Léger d'Éloise, qui avait une entreprise de travaux publics, je ne sais pas quoi, qui a participé à la déconstruction des usines hydroélectriques en bas, où on voit des tronches. C'est Zola, quoi. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire. C'est des Bellegardiens à l'époque. Et ce qui est intéressant, au-delà de la photo générale, c'est quand on va en immersion dedans, on va reconnaître certaines façades, on va reconnaître certains magasins qui ont changé, des maisons qui ont été déconstruites, les candélabres, les lignes électriques n'étaient pas comme ça, il n'y en a plus. Il y a des moments maintenant où il y a des ronds-points. Avant, il n'y avait pas ça. Il y a des maisons. Ça, c'est intéressant pour un vieux Bellegardien, ou comme des Bellegardiens de naissance, comme moi ou d'autres. Hein, on est nombreux. C'est ça aussi l'émotion qu'on ressent aussi à la lecture. Alors, est-ce que ce sont toutes des photos noires et blancs, ou certaines ont été, comme on dit, colorisées? Non. C'est que non, on a pratiquement. C'est une question technique. La photo de Charles Roux, ou alors des documents d'appoint qui ont été en couleur. Elle est plus récente. Il y a des photos qui ont été recoloriées a posteriori qu'on n'a pas pu publier. Oui. Notamment lorsqu'il y a le musée de la ligne de démarcation qui avait été créé à Genelard il y a déjà une dizaine d'années maintenant. J'avais été en échange avec la personne qui avait mis en place le fonds du musée, Et à l'ECPAD, qui est l'organisme militaire qui conserve toutes les archives photos, entre autres, ils ont énormément de documents sur Bellegarde. Ce qui m'avait impressionné, qu'on n'a pas pu publier ici, parce que les droits de publication, les droits d'auteur sont énormes, s'agissant certainement de photos au départ qui étaient des photos prises par des soldats allemands, récupérées par l'armée française, et qu'on retrouve dans la revue Historia, qu'on peut retrouver dans des publications, dans des films. Il y a eu des documentaires qui sont passés récemment, on a vu apparaître les photos. Et là, ils en ont colorié certaines. Le drapeau nazi, lorsqu'il est rouge et noir et blanc, ça a beaucoup plus d'impact émotionnel que voilà. D'ailleurs, c'est le choix de l'éditeur. Quand moi j'ai composé la couverture, lui il a dit le drapeau allemand, rouge, noir et blanc, ça fait appel à l'occupation, le drapeau nazi, etc. Le drapeau nazi, il faut quand même le mettre en évidence, en couleur, pour avoir une touche graphique. Et du coup, j'espère que le livre va permettre de mieux faire connaître ce qui s'est passé ici, également à l'échelle nationale, parce que là, vous parliez des documentaires, etc. Il y a quelques mois ou semaines, je ne sais plus, sur RMC Découverte, il y a eu un documentaire sur la ligne de démarcation, avec des photos prises sur le pont du tram, mais pour autant, à un moment, ils projettent une carte de la ligne, et la carte est fausse, Bellegarde n'est pas dessus. Donc voilà, si on peut... Cette photo, dès qu'il y a un truc là-dessus, c'est... Ça, Jura, mais ça descend jamais la Valserine. Alors il y a une photo d'ailleurs qui a été prise de la ligne de démarcation où on voit avec la barrière le drapeau nazi, etc., avec des Allemands de dos qui sont en train de contrôler un camion. Cette photo est la photo principale concernant la ligne de démarcation aux Invalides à Paris. Ouais, c'est celle-là, la fameuse Historia. Moi j'ai vu donc je suis allé aux Invalides voir et une des photos, enfin la photo principale qui fait référence à la ligne de démarcation en France, c'est la ligne, une photo qui est prise sur le pont du tram. Mais c'est vrai que Crystal Cat, ou même ce bouquin, bon, c'est pas la même échelle, mais ce qui s'est passé dans le département de l'Ain, c'est que tu es complètement occulté, on n'entend presque pas parler. Or, il y a une énorme résistance dans le département de l'Ain. Les maquis, ça a été peut-être... donc il y a eu un documentaire, on avait vu le... qui était venu nous voir donc, sur RMC Découverte, sur les documents. Ouais. Mais il dit bien, dans le Lain, il y a eu des combats importants et on n'en parle pas. Bah parce que donc, le maquis n'a pas été liquidé, entre guillemets, par rapport au Vercors et aux Glières, donc l'effet de mémoire est beaucoup moins... Mais le documentaire qui a été fait par Romain Clément est assez saisissant et complet. Oui, il est bien. Donc, Mais il y a des événements, bon, il y a des noms, hein, comme Pierre Marco, le docteur Mercier, et puis ce fameux événement du 11 novembre 43 du défilé à Oyonnax, au nez à la barbe des Allemands, qui a été un effet déclencheur sur le parachutage, l'approvisionnement des maquis, etc., but d'Angleterre. Et le but aussi, justement, par rapport à Crystal 4 et toute cette mémoire qui était déjà centrée sur la résistance combattante, c'était d'aborder les autres aspects. Et là, il me semble qu'il y a des choses un peu nouvelles autour des flux clandestins, alors organisés par les cheminots, par les douaniers, les relations avec la Suisse. Ouais. Michel Blanc a trouvé des sources et des informations qui montrent que les plans des V2, vous savez, ces fusées allemandes, ont été transmises au service secret britannique par la vallée de la Valserine, au col de la Faucille, ce genre de choses. Il y a une universitaire, je vais faire une pub, une universitaire genevoise qui a fait une thèse sur les flux clandestins de réfugiés juifs. Là, c'était l'objet d'une expo temporaire qui était au musée de la Résistance à Nantua cet été, qui a montré que ces flux passaient aussi à Bellegarde. Et j'étais en contact avec un Lyonnais, Monsieur Lévy, dont les parents sont passés par Bellegarde avec leurs deux jeunes enfants, ont rencontré un passeur à Bellegarde et sont passés en Suisse. Ils ont survécu, toutes ces choses un peu nouvelles. Je termine avec ma petite pub, du coup. L'exposition du musée de Nantua viendra au lycée Saint-Exupéry en janvier et on fera une ouverture au public le samedi 18 janvier après-midi. Je vous en dirai plus via la presse. Ça c'est dit déjà. Mais voilà, ça sera l'occasion de continuer un petit c'est peu une très belle exposition, ce thème-là. La rédaction du livre nous a mis en relation effectivement avec le musée de la Résistance et de la Déportation. On a pu échanger des documents avec eux et on leur a fourni bien sûr les sources que nous avions également. Et ça permet de compléter vraiment les informations qu'on peut aujourd'hui bien écrire sûr, et dont on peut sûr. Discuter à présent. Mais moi, je suis sûr qu'il y a des passeurs qui sont passés sur Bellegarde. Il y a quelque temps, il y avait un film qui passait, des épisodes, Un village français. Moi, je suis persuadé que j'ai reconnu le retour. J'en suis pas sûr, mais... Il y en a qui resteront muets de toute façon. Parce oui, que mais il pour... Il s'est tourné dans le Jura, mais je crois qu'il était tourné dans l'Auvergne. Ben, je sais pas. Mais bon, il y a peut-être eu des... Mais je sais pas. Il me semblait que là-haut, bien. Voilà. Bon, je me suis dit, tiens, c'est... Ils sont passés par là. La cité qui était sur la ligne de démarcation a connu des bon nombre de personnes, de gens qui sont discrets, qui raconteront jamais ce qui s'est passé, qui n'ont pas raconté et qui ont eu une implication majeure dans ce fait-là. Hein. Des personnages, on parlait de personnages qui ont marqué le défilé du 11 novembre 1943. On a honoré De Girolami à Bellegarde, qui a participé au défilé. On parlait de photos couleurs, il est en couleur dans le bouquin. C'est un monsieur très discret, moi, que j'ai connu, que j'ai croisé et que j'ai découvert après coup que c'était un gars qui avait un passé extraordinaire. Ouais, avec un parcours. Déporté, qui a souffert, qui est revenu, enfin bon... La commémoration au Yonah en 2013, donc était assez émouvante. Hein. Et il y avait effectivement Lugrand de la vallée de la Valserine, qui était l'ancien clairon, qui était présent à côté du président de la République. Ils étaient deux à côté et c'était plus qu'émouvant également. Hein. Il y a les écrits, il y a les photos. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. C'est ça qui procure le plus d'émotions. Il y a près de 800 documents. Est-ce que c'est ça qui procure... On voit les trucs, ça peut que tirer les larmes des personnes qui ont peut-être eu de la famille ou croisé... Les écrits, c'est une chose, mais enfin bon... L'iconographie c'est pas pour minorer le travail non, d'écrit. Non, non, hein. Non, c'est parce que d'accord. C'est totalement sens. Mais c'est un parti pris aussi. Hein. C'est d'avoir un texte condensé qui a été fait... manière magistrale par les rédacteurs, là, les signataires des articles. Et les photos accompagnent ça, mais il fallait de la photo. Et la photo est là pour illustrer, en fait, l'article. Vous verrez qu'il y a des photos de l'arrivée des prisonniers en garde Bellegarde. On reconnaît derrière les cités, le toit de la Belle Époque en 1940, 41, 42, enfin bon, voilà. L'après-guerre également, hein, puisque la décennie sombre va jusqu'à 1949 hein, dans le bouquin. Mais il y a des choses... Moi, j'ai une photo en mémoire qui nous a bien fait réfléchir et travailler. C'est les collaborateurs qui sont évacués, a priori, sur le camp de Toll. Oui. Et on trouve ce document-là, et on le regarde, on l'agrandit, on le regarde, on se pose énormément de questions. Et Jean Marinet me dit, c'est certainement les collaborateurs qui sont réunis, parce qu'on voit des hommes à côté armés de pistolets mitrailleurs, qui ne sont pas des Allemands, donc c'est l'après-guerre, qui les encadrent pour les protéger. Donc il les emmène dans un camp pour éviter qu'ils se fassent lyncher, plus ou moins. Donc, et on l'a reconnu. Ouais, Bernard peut le citer, il est allé voir le muret, parce qu'il y avait un muret, donc à Bellegarde il n'y en a pas beaucoup, c'est celui qui est en face de la Belle Époque. Donc la photo est prise depuis le pignon de la Belle Époque. C'est une photo qui est prise de haut. Mais on a mis un mois et demi avant de savoir ce qu'il en était. Hein. Tu vas voir, il y a encore. Hein. Il y a encore le mur, et les pierres sont là, et elles sont authentifiées. Par Bernard. Par rapport à ce que tu viens de dire, je dirais même que comme au départ, les premiers textes ont été faits pour notre série hebdomadaire dans le Dauphiné, on part à chaque fois de la photo. Donc c'est pas la photo qui illustre, c'est la photo qui est au centre. Et vraiment, l'idée, c'est de commenter et d'expliquer une photo en la contextualisant, en la décrivant, en donnant le plus possible de choses sur elle. Voilà. Une photo expliquée au départ en 1000 signes, après ça a été 1500, mais vraiment, voilà, le document au centre, du grand public. La commandanture de Coupy, elle nous a occupé aussi un petit moment. Ah, oui. Donc, la ligne de démarcation. Dans quel sens elle était? Alors, il a fallu retourner voir la maison, prendre des photos, et surtout, c'était la pire. C'était la plus difficile à identifier. Pour essayer de voir depuis quel point de vue avait été pris le credo, parce qu'on reconnaissait la montagne. Des Allemands. Mais, et Michel Blanc a trouvé, encore une fois, Michel Blanc. Parce que c'est un des rares endroits où les Allemands étaient. De l'autre côté de Rhône. Il y a une photo à la Cécelle. Une photo de la guinguette avec ma grand-mère. La guinguette qui, à l'époque, puisque j'en témoigne avec Jean-Noël Guinet, qui est mon petit cousin, je raconte un épisode que ma mère a vécu, qu'elle m'a raconté à la guinguette, qui avait été réquisitionnée par les Allemands. Et effectivement, il y avait des officiers allemands dans le bâtiment. Et une nuit, il y a des personnes un peu bienveillantes ou malveillantes, tout dépend de quel côté on voit les choses. Qui s'était amusé à peindre une grosse croix gammée sur la façade de la maison. Donc voilà, c'est tous des épisodes qui ressortent. Et puis à la fin, on a des photos de la venue de Vincent Auriol, président de la République à l'époque. Photo extraordinaire qui arrive en bas près de la place Victor Bérard. Et si vous regardez bien, les anciens Bellegardiens regarderont. On a des anciens profs qui apparaissent, comme Jean Catala, par exemple, qui est là au bord d'une... qui doit se trouver par ici, là, sur une photo, qui est extraordinaire. Bien sûr, de toute façon. Il y aura forcément des choses. Il y a aussi d'autres aspects qui ont été étudiés dans ce livre qui sont intéressants et complémentaire, c'est aussi tout ce qui s'est passé au niveau humain dans l'après-guerre. On a parlé de la reconstruction, ouais. Puis on va y revenir. Ouais. Mais le témoignage de ces familles où un soldat allemand prisonnier qui a travaillé au barrage de Génicia, où il y en a eu plusieurs quand même à Bellegarde, ouais, sont restés, ont épousé. Qui est resté sur Génicia. J'ai lu l'article. Et il y en a eu d'autres. Qui s'est marié, qui a eu des enfants, et les enfants, sachant ça, les autres copains lui disaient ça le boche, etc. Des trucs terribles, quoi. Je l'ai lu, cet article. Ça, c'est les hasards, en fait. Ouais. Ma femme est prof au centre MGEN à Chanet, et une de ses collègues nous avait dit que son grand-père était allemand, point, quoi. Puis je parle du livre un jour, et ça a été super, parce qu'elle est venue chez moi avec sa mère, qui nous a apporté les documents. Voilà, j'ai l'impression qu'on répare quelque chose, quoi. C'est une femme qui forcément, a eu une enfance un peu difficile. Elle était fille de Bosch. Ouais. Bon, voilà, aujourd'hui... aujourd'hui, il est dans le livre... Ouais. On est apaisé, c'est très très bien, c'est très important de faire tout ça, ne pas juger. La photo génétique avec chacun son tour, quand les prisonniers allemands sont tous en randonnion et prêts à aller travailler, parce qu'on a eu quand même beaucoup de soldats allemands qui sont restés prisonniers, qui ont été embauchés pour Génicia, mais pour tous les endroits où il y a eu des difficultés pendant la guerre, ils pouvaient être chez un cultivateur pour aller faire des travaux d'assainissement, ils pouvaient être dans les usines bellegardiennes. On a une liste de plusieurs centaines de prisonniers qui sont restés affectés comme ça sur des travaux pour reconstruire la France. Parce que les Allemands aussi, on va pas inverser le cours de l'histoire, mais pour revenir à mon histoire personnelle, puisque les Allemands avaient réquisitionné la guinguette, la première vague d'Allemands qui avait, c'était le début de la guerre. Et ma mère me racontait que les officiers allemands pleuraient le soir parce qu'ils étaient loin de leur famille. Quand ils voyaient ma mère qui avait quelques années, qui avait à peine 8 ans, les Allemands pleuraient parce que, ils pensaient à leurs femmes, à leurs enfants, etc. Que la guerre, c'était une saloperie, une connerie. De toute façon, on le sait bien. L'histoire, c'est l'histoire. Mais c'est vrai que quand on voit des fois des films et des choses, les Allemands, c'est pas tous des salauds, quoi. Je veux dire, voilà. Après, il y a eu des gens qui ont aussi œuvré pour que les prisonniers ou que des choses comme ça, enfin, sur le plan général, que ça puisse se passer le mieux possible. Après, c'est vrai que les anciens qui ont vécu ça, ils peuvent avoir quelque part une haine qui est là, et puis... Ce bouquin-là a un mérite, c'est qu'il ne prend pas parti. J'espère. Oui. Voilà, je veux dire. Voilà. Il y a quelque chose. On parlait en début d'émission, on parlait d'émotion. Enfin, Thierry, tu en as parlé, vous en avez parlé aussi. Il y a quelque chose d'assez génial dans ce bouquin. Quand on le parcourt, on a l'impression d'entendre les scènes. Ouais. On les imagine. C'est fou. Moi, je peux vous dire que. C'est fou. Alors, moi, il y a un réflexe que je fais quand je dessine pour mes bandes dessinées et autres. J'essaie d'être en immersion dans l'époque. Et moi, il m'est arrivé quand je composais le bouquin, d'écouter des chansons de l'époque. Ah ouais. Des chansons de chanteurs. Lili Marlène. Je dirais pas que je suis allé écouter Maréchal Nous Voilà. Encore que c'est un document historique, Pardon, il y a un article là-dessus. Sur le pétain. Oui. Mais l'immersion va très loin, en fait, parce que, comme tu dis, Robert, instinctivement, tu dis, mais ça, c'est un témoignage, qu'est-ce qui se passait à l'époque, mais ça, c'est ton subconscient. Enfin, il va chercher des trucs et ça se fait tout seul, quoi. Et il y a aussi, je le disais tout à l'heure, moi, j'ai reconnu des personnes ici que j'ai côtoyées, et qui jamais, à aucun moment, m'ont parlé de ça, quoi. Bien sûr. À aucun moment. Moi, j'ai vu des photos, j'ai vu des visages là-dessus, que des gens avec lesquels j'ai bossé. Jean Vazette, j'ai bossé avec lui. Jamais. Albert Ninet, j'en parle même pas. Je veux dire, c'est d'une discrétion, mais alors absolue, quoi. Je crois que beaucoup de gens, après 45, ont repris le cours de leur vie normale, et dans un premier temps, face à... Il fallait oublier et vivre. Avec certaines difficultés, parce que certains savaient que le voisin d'en face, qui habitait dans la maison, avait dénoncé, ou l'autre avait fait l'objet d'une dénonciation. Et puis il y avait des rancœurs qu'il fallait garder. Et moi, je suis persuadé que si on devait se resituer à l'époque, quelqu'un choisir, quoi. C'est une réflexion de Jean Marinet qui a dit ne jetons pas l'opprobre à tous ceux qui n'ont pas suivi, effectivement, qui sont partis comme réfractaires au STO, qui ont rejoint le maquis, l'armée secrète, etc. Il y en a qui ont pas eu ce déclic-là. Enfin bon, voilà, c'est tout ça. Mais il faut essayer de garder du côté historique. On rassemble des documents, quel que soit le camp, et garder cette neutralité. Une chronologie fine, en fait. C'est facile aujourd'hui de dire qu'en 40 ou 41, il ne fallait pas soutenir Pétain. N'empêche que jusqu'en juin 41, la situation est quand même extrêmement complexe. On parlait de l'attitude des soldats allemands. Là aussi, il faut avoir une approche fine. Les soldats allemands de 1940-41 n'ont pas la même attitude que les soldats de 42-43. Il y a une radicalisation des affrontements. Les troupes ne sont pas les mêmes. Les Allemands qui reprennent la ville en 44, c'est des Ukrainiens qui n'ont pas du tout la même attitude que les Bavarois, les Autrichiens qui sont là en 40. En fait, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants. Mais voilà. La chronologie est fine et les choses changent. Nous, on voit ça avec le recul. Oui, c'est facile aujourd'hui. On n'a pas connu la guerre. Enfin, moi, je suis d'une génération qui est passée. Facile. En 40, je veux dire, la Première Guerre mondiale n'était pas loin. Pétain, il avait quand même les honneurs de ce qui s'était passé sur la Première Guerre. Donc, pourquoi pas le suivre pendant les premiers mois, on ne sait pas exactement quelle va être sa politique. Bon, à partir d'octobre 40, on le voit déjà. On voit très bien qu'il va être autoritaire, antisémite. J'ai beaucoup de monde. Hein, parce que 80-90% de la population était bien contente que ça s'arrête, hein, en espérant que les prisonniers allaient revenir. Et puis Pétain avait cette aura comme sauveur de la Première Guerre mondiale. C'était le maréchal. Qui avait gagné la guerre de 14, avec qui il avait toute cette aura, donc qui lui était encore bénéfique. Donc à la débâcle, 39-40, c'était ça. Gloire à ceux qui, dès 41. Voit très clairement les choses en disant il profite de la défaite pour c'est la revanche de cette vieille extrême droite qui est opposée à la République et à la démocratie depuis 1870. Voilà. Quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, 39-45, vous êtes allé jusqu'à 49, c'est quoi? Oui. Ces trois années, c'est la reconstruction. Moi, en fait, voilà, quand je voyais le fond à l'est tel qu'il... T'as pas cru que la guerre se termine en 49? Non, quand on parle de la Seconde Guerre mondiale, on dit la guerre de 39-45. Ouais, en fait, en voyant les photos de Bellegarde, c'était évident qu'il fallait aller de 40 à 49, parce que au moins 48, parce que j'ai été marqué par le nombre de clichés à l'Est autour. Un, des destructions. Alors, faites par l'armée française en 40 pour tenter de bloquer les Allemands, ils font exploser le pont de Coupy avec des dégâts tout autour. Et surtout... En 48, eh bien, à nouveau, des ouvriers français démantèlent les usines de Bellegarde et on se retrouve avec plein de photos de ruines parce que ces vieux bâtiments vont être noyés par le barrage. Et donc, je trouvais qu'il y avait une sorte de continuité de 40 à 48 avec la ville qui a impacté deux fois dans des lieux différents. Et puis les tickets de rationnement noir et blanc. Oui, puis l'étiquette de rationnement. Le rationnement est bien plus terrible de 45 à 48. Encore plus terrible et encore plus insupportable. La guerre est finie. Je trouvais qu'il y avait une continuité. Et que pour ces gens qui ont vécu tout ça, les difficultés, elles sont durables jusqu'en 49 au moins. Les gens ont faim jusqu'en 49. Quand tu parles des difficultés, l'article de Bernard sur les récoltes de pommes de terre faites à Musinan en avant du château. Moi, mes filles étaient à l'école au Grand Clos. J'étais loin d'imaginer que pendant la guerre, les gens avaient leur petit carré de jardin et qu'ils faisaient pousser des tubercules. C'est des jardins. Il n'y a pas de maison, donc ensuite c'est réparti pour les ouvriers des cités. Donc les ouvriers, il y a les douaniers. Sur la photo qui parle de la construction du pont de Savoie, dans la partie basse au bord du Rhône, en bas de l'ancienne station Chagnoux, c'est bondé de jardins d'ouvriers. Hein. Alors maintenant, c'est de la végétation, c'est une jungle. Mais sinon, c'était vraiment... Pour subsister pendant la guerre. Les jardins sont délimités, après il y aura des cabanes. Et puis moi, je suis allé voir René Chevalier... qui avait la ferme en dessous du château. Et donc, il me dit, toi, tous les arbres-là, ils ont été coupés pour chauffer l'école du centre. Parce qu'il n'y avait rien pour chauffer. Donc, il y avait toute une rangée d'arbres. Les hivers mondiales ont été très froids. C'est des hivers très froids. Les hivers ont été très froids. Ce n'est pas les hivers qu'on a aujourd'hui. Non. Là, le livre est sorti donc cette semaine, jeudi. Oui. Vous êtes prêts à entendre des critiques? Pas de ma part. Ah on est là pour ça, d'ailleurs. Le bouquin, il est là pour ça. D'ailleurs, quand on fait ce genre de truc, il faut avoir l'humilité de dire que rien n'est exhaustif. et que c'est plutôt un déclencheur sur une mise en lumière de choses qu'on ne connaît pas, enfin, parce que penseront les autres. Tout à l'heure, on se posait la question, la vérité, bon, la vérité en histoire, c'est un débat immense, mais il y a juste une technique au départ, c'est-à-dire qu'avant d'écrire quelque chose, on essaie de croiser tes sources, donc... Peut-être qu'on a écrit des choses parfois fausses. On va en parler. Mais en tout cas, voilà, on essaye de croiser un document d'archive, une mémoire, ce qui a déjà été écrit. Voilà, et pas que Léon dit. Alors, il y aura. Les photos sont factuelles, les documents sont factuels. Oui, exactement. Je pense qu'on apportera des correctifs. Alors, ça dépend déjà du sens qu'on donne au mot critique. Pour moi, critique, ça permet de faire avancer les choses. Oui, ouais, ça peut être très positif, une critique. Et d'ores et déjà, il y a une personne qui s'est manifestée, notamment au sujet de Fredose et des Totorines. Parce que la source que l'on a utilisée pour cet article n'est pas fiable à 100% a priori, parce que Mme Rigutto nous a fait part du fait que les Totorines n'étaient pas les filles de M. Fredose, parce qu'à l'époque, il avait une fille de 3 ans et demi. Je finis le texte en disant qu'après sa mort, ce sont les Totorines, ses filles, qui prennent le remplacement. Voilà. Et lui n'était a priori pas le passeur, et nous on l'avait marqué d'ailleurs probablement passeur, mais sans le savoir. Donc ça permet d'avoir des informations complémentaires qui feront peut-être l'objet d'un article dans la presse locale. Voilà, on va voir après comment on peut traiter toutes ces réponses. Peut-être aussi un report sur le prochain bouquin, on sait pas. Mais là, par exemple, on va récupérer tous les bouquins. Ouais. Vous allez en parler à Régis Petit, on vous laisse la mission. De toute façon, c'est simple, hein. Les élections, c'est bientôt, donc voilà. Juste quand même, je profite de cet exemple-là pour expliquer comment on travaille. Par exemple, sur le texte autour de Fredose, etc., on avait plusieurs choses. Donc la thèse de cette universitaire genevoise qui a interviewé M. Lévy, dont je parlais tout à l'heure. Donc là, on a le témoignage de M. Lévy. On sait que ses parents sont passés par ce café après l'arrestation de Victor Fredose. Donc on se dit, bon, peut-être que lui, c'est pas un hasard si c'est dans ce lieu, peut-être que lui a participé à ces réseaux-là. On a le compte-rendu de l'arrestation de Fredo en février. Et puis, il y a eu un texte dans la Tribune il y a quelques années où la personne que tu évoques explique qu'elle l'a vu pour la dernière fois à travers les vitres de la salle des visites en douane. Donc voilà, on essaie de croiser. Ce dont on n'est pas sûr, j'écris probablement. C'est un travail d'historien, en fait. Ouais. Un travail d'historien, c'est il y a un peu d'archéologie. Enfin bon, c'est un peu de tout. Et on ne peut pas non plus... On essaie de faire ça de la manière la plus objective possible avec ces documents. C'est le travail d'historien. Là, on a des profs. Enfin bon, Christophe, lui, il a cette lumière-là et il nous corrige, il nous a guidés. Enfin bon, voilà. Mais forcément, ce bouquin va créer, parce que tout le monde ne l'a pas encore, quelques frustrations. Forcément, parce que vous aviez... de l'envoyer chez l'imprimeur, on était déjà frustrés, donc... Parce que, je peux vous dire que jusqu'à la dernière heure, tu te rappelles, ouais. Le dernier week-end où on pouvait encore changer quelque chose, j'avais été contacté... Moi, j'ai dit, pour changer quelque chose, attention, on peut rajouter encore 8 pages. Et Christophe a dit, ouais, hourra, enfin bon, il y a un gros truc. Et ouais. Le lendemain, j'avais les 8 pages qui manquaient. C'est pas vrai. Ah ouais. Ah si, non, mais... Enfin, avec Eric, avec Christophe. C'est le tour des années, on peut y aller dans les archives. Voilà. Alors, on a un petit avantage, c'est qu'on communique par téléphone sur l'application WhatsApp. On a un petit groupe mémoire. Et voilà, on se raconte des bêtises aussi, mais on est aussi très sérieux. Et c'est le lien qui a permis d'avoir parce que tout le monde était à l'écoute de tout le monde sur ça. Parce qu'il fallait avoir en répondant. Enfin, il fallait être très réactif. Bien sûr. Vous attendez quoi, là, de ce bouquin ? On vient d'évoquer un peu les critiques, les machins et les trucs. Mais au fond de vous, vous attendez quoi ? Qui donne beaucoup de plaisir à ses lecteurs. Ouais, qui rétablissent des faits, des choses telles qu'ils se sont passées. On a la sensation d'avoir une mission accomplie, en fait. C'est marrant, il y a Christophe qui fait des drôles de yeux, je ne sais pas pourquoi. Lui, il est malade. Parce qu'il nous dit que depuis que le bouquin est sorti, il est malade, il est stressé, il n'en peut plus. Il a deux doigts de vomir. Et pourtant, il le feuillette, il n'a pas arrêté de le feuilleter tout au long de l'émission. Mais il le connaît par cœur, en fait, je ne sais même pas pourquoi il le feuillette. Je crois que ça a tellement été un travail de longue haleine pendant des années, quand le bébé sort. Enfin bon, c'est quand une naissance. Hein. Enfin voilà, ça, c'était le cas pour tout le monde. Pardon, quand l'imprimeur vous a dit « ça y est, c'est fait, c'est là », ça a été quoi pour vous ? Une grande impatience de l'avoir entre les mains, de l'ouvrir. Ouais. Et puis bon, voilà, là c'est tout frais, je suis dans le stress. En fait. Peut-être que c'est pas parfait. Mais voilà, enfin, c'est magnifique, je suis très content. Alors, voilà, j'ai l'impression que c'était une sorte de devoir aussi pour moi de faire ça un jour. Pourtant, c'est vraiment pas la période qui me passionne le plus. Moi, j'aime le 16e. Mais une mission, une vraie mission. J'ai là. Un peu cette impression-là, j'espère. Moi, je crois que c'est le plus stressé, parce que je vois là, hier soir, 18h33, moi, très stressé, j'ai le trac. Alors, pourquoi t'as le trac? Ce qui est d'autant plus surprenant. Thierry dit, moi aussi, quand je fais une BD, j'ai le trac. Ouais. Mais bon. Ce qui est d'autant plus surprenant, qui nous a poussé, guidé, c'est lui, dans les derniers tranchements, faut publier ça, faut qu'on parle de ça et tout. Alors qu'on freinait des deux pieds. Je peux plus changer ce qui est écrit, ce qui est fait. Parce que comme je suis un peu névrosé, les autres pourront témoigner, mais jusqu'à la dernière minute, je voyais encore quelque chose à changer, une photo à rajouter. Non, mais c'est comme en dessin, ça. Je dis à mes élèves, essayer de faire mieux, c'est toujours faire trop. Donc après, ça part dans l'autre sens. Non, ce que l'on souhaite, c'est que ça apporte quelque chose à ceux qui vont le lire. Alors, il y a tellement eu de teasing dans la presse. C'est vrai. Enfin, teasing, on a tellement parlé déjà depuis un petit moment que même l'éditeur à Grenoble, je ne sais pas comment les gens... Enfin, si, ils ont dû regarder l'adresse, les coordonnées sur les anciens ouvrages, étaient déjà harcelés de coups de téléphone pour savoir quand est-ce que le bouquin sortait. Alors, je ne vous parle pas des libraires et puis de nous. Alors, il sort quand le bouquin, etc. Donc, on a commencé déjà à le mettre en vente. Hein, on l'a mis à la librairie Biguet et puis au bureau de tabac Marigny en face de Carrefour, où ils sont en vente. Marigny, par exemple, 2 heures quand on en a déposé quelques-uns, et il y avait 5 exemplaires qui étaient déjà partis. Chez Biguet, c'est pareil. Donc on en a quand même pas mal à la vente. On a quand même fait attention avec ce qui s'était passé avant, parce que les 2 autres précédents bouquins sont encore demandés, mais ils sont épuisés. Là donc, l'éditeur, on a essayé de convaincre l'éditeur d'aller un petit peu plus loin dans la quantité qui était mise à disposition des libraires. On a 1200 bouquins qui sont destinés à la vente, en dehors des 1700 qui ont été commandés par la mairie pour offrir à nos aînés. Donc c'est un tirage relativement important. Mais la particularité, c'est que c'est un bouquin qui va concerner un bassin de vie, non pas Bellegarde. Puisqu'on parle de Mijoux, on parle de Lélex, on parle de Seyssel, on parle de Natuar, on parle de Collonges, du Fort-l'Écluse, on parle de Divonne, effectivement. Donc voilà, on attend. On peut mériter d'intéresser les gens au niveau national. Je veux dire, on a tellement fait le teasing dans la tribune, je veux dire, toute la série d'articles de Gilles Moine, on fait que de nombreux Bellegardiens ou anciens Bellegardiens sont abonnés un peu dans toute la France. Moi, j'ai reçu des appels, des commandes. Hein. Et on en a déjà vu arriver. Hein. On a des anciens Bellegardiens qui habitent Paris. Ah, où est-ce qu'on peut acheter La famille Chanel qui nous a beaucoup aidés, là. Oui, ouais. La famille Chanel, oui. Quand même, qu'est-ce que j'attends? J'espère 2 choses. Ah, il a réfléchi. Oui. Je suis plutôt lent. Que ceux qui ont vécu cette période-là s'y retrouvent. Et que ces tentatives de reconstruction, tous les aspects de la période, soient le plus juste possible. C'est une reconstitution. C'est pas la vérité, c'est une reconstitution. Et surtout, que ceux qui ne l'ont pas connue, eh bien, puissent s'immerger dans cette époque-là et la comprendre. Juste une chose, moi j'ai beaucoup utilisé ça en classe, et mes cours sur la Seconde Guerre mondiale maintenant, comme ceux sur l'industrie d'ailleurs, sont, j'essaie de prendre le cas de Bellegarde pour que ça soit plus concret, ouais, et que ça soit plus concret. Et je vois vraiment que les gamins, quand on leur parle du coin, ça marche tout de suite. Quoi. Même avec des classes pour lesquelles a priori l'histoire géo n'est pas la matière la plus importante et centrale, c'est le silence. L'année passée, avec mes collègues, on a monté 140 gamins de première sur le plateau. On a fait un truc sur les sentiers du maquis. Et je leur ai présenté quasiment le contenu du livre en 2 fois avant et après la randonnée. Et je vous promets qu'il y avait 140 gamins qui ont été longtemps hyper attentifs. Et quand on les monte sur le plateau, qu'ils redescendent à pied, en plus, c'était le brouillard, il faisait froid. Et voilà, ils comprennent un peu là, ce que ça, c'est. Déjà, donc, si point. Cette mission-là... Enfin, mission, c'est un peu fort, mais si cette ambition-là est atteinte, c'est formidable. Mission pédagogique, je trouve que c'est important. Le devoir de mémoire, je ne le dirai jamais assez, moi. Le musée de la Résistance à Nantuan nous a demandé des bouquins pour pouvoir les vendre. On a l'éditeur à Grenoble qui, lui, est en contact avec un historien. Avec Tal Brutmann, qui, lui, a demandé à avoir un bouquin. Des gens qui sont référents dans la région. La région Auvergne-Rhône-Alpes a demandé à ce qu'on leur procure des bouquins pour pouvoir les diffuser. Le musée à Isieux aussi. J'avais fait une formation là-bas l'année dernière qui m'a beaucoup aidé. Du coup, pareil, ils sont. ils sont demandeurs. Quand je leur montre le courrier, le Jabi, là, enfin, vous allez voir quand vous aurez le livre, mais où on demande, c'est une succursale de Paris qui doit se faire régler une facture, mais qui demande avant d'avoir la preuve et la certitude qu'il n'y a pas de juifs qui travaillent dans cette entreprise-là, ouais. Puisqu'il y a eu la confiscation des biens juifs. Ouais. Donc ce document-là qui vient de la collection Châtenoux, bon ben voilà, on le publie tel quel. Oui, on a des documents de Jacques Châtenoux aussi. Oui, Jacques Châtenoux qui a aussi bien collaboré à la, des courriers des à la rédaction du bouquin. Hein. Qui s'inquiète en 44 parce que les sabotages visent les entreprises. Et donc, ce sont à Bellegarde des filiales d'entreprises suisses. Et du coup, la maison mère suisse, par exemple, s'inquiète, s'inquiète de l'image que l'entreprise a dans la ville. En disant, voilà, on fait profil bas quelque temps, là... Dans la partie reconstruction, il y a des choses intéressantes, comme la mise en eau du barrage, avec toutes les conséquences que ça a eues sur le côté social, pas seulement le côté pratique, mais des gens qui ont perdu, qui ont été obligés de... J'en parle en connaissance de cause, parce que ma mère et ma grand-mère sont nées à Essertout, et le village qui a été englouti, où les gens ont été obligés de démolir leur maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Aidez-nous, on n'a plus d'argent, il faut que... Et là, il y a une lettre assez poignante qui nous a été donné par Jean-Marie Michel, un de ses parents, qui nous explique, qui écrit directement au ministre à l'époque pour avoir une aide. On publie la lettre. On publie la lettre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le barrage est prévu avant la Seconde Guerre mondiale, et donc tout est mis en place, et notamment l'indemnisation des personnes dont les maisons vont être noyées. La guerre interrompt la construction et elle se finit après. Mais sauf que les indemnités ne sont pas revues. La valeur du franc revalorisée, a baissé, et donc ces gens sont ruinés. Et lui, il écrit au ministre en disant, bon, en plus j'aime bien le côté gauche, en disant que la CNR a bien les moyens de lui payer. La CNR, qui est une grande compagnie, a bien les moyens de lui payer une nouvelle maison. Et en fait, non. Et lui, il va se retrouver dans mon village à Grésin. Sauf alors de la part. À contrario, la CNR a bien contribué à la vie des municipalités qui étaient limitrophes au Rhône, hein, Éloise, Génicia et autres. Oui. Justement, alors, Jean-Marie Michel, ça m'a interpellé. Oui. Parce qu'il y a un Jean-Marie Michel. Oui, mais c'est lui. Non, mais aujourd'hui, il existe. Oui, c'est lui qui nous a donné cette lettre. C'est un copain qui habite Grésin, ou Léa. Mon voisin. C'est son petit-fils. Son petit-fils. Non, attendez, j'ai dit une bêtise, il faut que je relise. Oui, la famille Michel est une famille des Sertou. C'est le neveu à Alain Todestine. C'est son neveu, ouais. C'est ça. Ouais. Pour ça que je connais Jean-Marie. Ouais. Et je me suis dit, bon, il est auteur de plein de trucs sur Léa, hein, la course, les machins, la montée du fort, enfin bref. C'est... Oui, donc j'ai dit, mais c'est pas possible, ça ne peut pas être Jean-Marie. Puis c'est là que j'ai lu le machin. Ah ouais, j'ai dit d'accord. Et je ne l'ai pas nommé, mais sa mère, qui m'a... voisine, on est vraiment hyper proches. La Rose. Rose, je suis contente de parler de vous, Rose. Un jour, on discute et je lui montre la photo justement de la commandantour à Coupy, parce qu'on n'arrivait pas à localiser cette photo. Ah, oui. Et donc, je lui montre et son visage a changé. Et elle me raconte, finalement, je fais ce que j'ai pas écrit, mais dans le texte sur la commandantour, je parle d'elle, en fait. Et elle me raconte que gamine, un jour, elle est malade, elle doit aller chez le médecin à Bellegarde, et qu'elle va à pied jusqu'à Bellegarde, qu'elle doit passer par la commandantour, qu'elle a pourtant une lettre de son père pour la laisser passer. Et les Allemands la fouillent, et elle se retrouve dénudée devant les Allemands. Et c'est un traumatisme, elle nous raconte. C'est fort. Hein. On n'imagine pas la césure que représentait la ligne de démarcation jusqu'en 1942 pour les gens qui devaient passer pour l'école, pour aller travailler, les ouvriers de la papette qui habitaient à Coupy. C'était au bon vouloir des Allemands. Et un jour, vous pouviez passer avec un Ausweis et le lendemain, c'était interdit. Indépendamment du pont qui était accroché. Vous êtes encore dans le bouquin, là. Hein, vous l'avez pas tout à fait fini. On n'en sortira jamais, de toute façon. Mais alors, justement, toute cette énergie, là, que vous déployez à l'antenne, là, ça doit vous conduire à ressortir quelque chose dans quelques temps. Ah ben c'est pas les sujets qui manquent. C'est transition. Ça me semble. Régis, agis-toi. C'est ça. Il y a plusieurs trois projets. Le tram, oui. Les associations, les industries. On a beaucoup de choses. Donc le tram, on peut faire Un bouquin en 1000 pages, peut-être, non? Le tram. Alors, oui. Il y a quand même trois voir des grosses archives. Un dictionnaire sur le tram. C'est beaucoup plus récent, le tram. C'est pas pareil. Ouais, mais alors, ça, je ne sais pas si ça... Oui, c'est vrai que c'est... Il y a la vie associative, sportive... Ça s'est terminé avant-guerre, le tram. Ça s'est terminé avant-guerre. Oui, mais donc, bon, c'est récent, quoi, ouais, je veux dire. Enfin, bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup... Ils ont beaucoup de documents, entre Éric et Michel. Sur la création de la ligne, sur ils ont le quoi, de la ligne, sur tout ce qui s'est passé. Des documents très techniques, alors qu'ils pourraient concerner des gens plus passionnés. On va commercialiser la vie du rail, c'est ça que tu as entendu. Non, il y a aussi beaucoup de choses sur la vie associative, que ce soit culturelle ou sportive. Il y a quand même énormément d'associations en Bellegarde. Moi, j'aimerais absolument faire un livre aussi gros que celui-là. Aussi gros que celui-là, sûr. Aussi gros que celui-là, aussi structuré sur l'âge industriel à Bellegarde. Mais vraiment, reprendre celui de l'an passé, le compléter, parce qu'on a juste abordé quelques entreprises, quelques associations ouvrières. Mais vraiment, mais... C'est tellement un sujet, mais génial, l'âge industriel à Bellegarde. Toutes les traces ont disparu. Alors, j'ai des collections et vraiment, mais bellegardiennes. Sur les entreprises, mais alors, les successions de propriétaires, de dénominations, dans les mêmes locaux, dans des activités différentes. Il faut savoir qu'Eric a des téra-octets de documents. Et c'est grâce à lui, en grande partie aussi, que ce bouquin a pu voir le jour, hein, en fait. Bon, ouais. Christophe, mais ça, Eric avec Michel Blanc sont les... On est des gros collectionneurs avec Jacques Chatenou. Il faut qu'on fasse sur l'industrie avant que son plancher s'effondre. Parce que... Non, mais ça, c'est tout l'avantage de l'informatique. J'imaginais les documents papier pour avoir. Le problème, c'est qu'on garde les papiers en les scannant une fois scannés. Non, on a la chance d'avoir des gens qui ont eu le réflexe de collectionner, parce que c'est pas tout le monde qui a eu ça. Moi, Eric, depuis que je le connais, tout petit. Et il avait cette fibre-là. Oui, mais vous avez la chance d'avoir aussi une bonne municipalité. Ouais. Une municipalité qui est à l'écoute, de son passé. Pour le moment, tu as raison, Bernard. Alors, on ne sait pas de quoi sera fait l'avenir. Non, ce qui est exceptionnel, c'est déjà cette première initiative, le premier bouquin à l'attention des anciens. Moi, j'avais trouvé ça d'une générosité. Et c'est quand même important, je veux dire, quand on a un vécu local et autre, de pouvoir se remémorer ce qu'on a traversé, les époques qu'on a traversées par le souvenir d'un écrit. Et puis, on a fait le deuxième tome. Et là, ce troisième. Donc, on a vraiment plus du tout envie de s'arrêter. Et là, la naissance du groupe Mémoire. Et puis, bon, le coup de pied au cul que nous a donné, enfin, qui a donné naissance au groupe Mémoire par Régis et Jean-Pierre Fillon. Enfin, bon, les moyens mis. L'accompagnement, oui, ça, la salle où on peut stocker. C'est une salle qui a été aménagée uniquement pour le groupe Mémoire. Non, c'est exceptionnel. Et je trouve que c'est superbe pour Bellegarde. Pour une ville comme Bellegarde, d'avoir ce groupe mémoire et d'avoir ses souvenirs. Je pense qu'un groupe comme ça doit exister dans pas mal de municipalités. Oui. Mais c'est souvent repris à l'échelle départementale. Et le dommage, c'est que les documents partent aux archives départementales, puis on ne les revoit plus. Et on les revoit plus. Par contre, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On a un groupe qui est formidable, de gens cooptés, je veux dire bénévoles, qui prennent du plaisir. Et une ambiance extraordinaire, il n'y a pas de conflit. Hein. Voilà. Surtout à partir de 2h30. Bernard, ma femme écoute, t'es pas obligé de lui dire qu'on boit une bouteille de blanc chaque fois. On a compris, on va clore la discussion. Je pense qu'on a assez embêté les gens. On pourrait encore discuter pendant des heures sur ce bouquin. Non, mais si vous voulez, moi je parle. Non, mais si, à demain. Non, non, on a... En tout cas, disponible. Alors, il est en vente contre la modique somme de 28 euros dans les bonnes boucheries. Et il va être remis à nos aînés. Les deux points de vente. À la Croix-Rouge, à la maison de la Croix-Rouge, puisqu'on fait une projection donc, de photos pour nos anciens. Et à l'issue de la projection, on va remettre environ 90 exemplaires aux résidents de la Croix-Rouge. Et puis après, il va y avoir à la maison de confort, il va y avoir Saint-Vincent. Et puis à tous les anciens, de la commune de Valserone. Non seulement Bellegarde, mais Lancran et Châtillon-Michel, puisqu'il y a plein de choses qui se sont passées également à Châtillon et Lancran pendant la guerre. Donc on leur souhaite autant de plaisir à le lire que nous, on a eu à l'écrire. Enfin, nous, on a encore plein d'émotions. Moi, il y a des moments où je... hier, quand Charles Roux et Charlie est venu encore à la maison, c'était encore plein d'émotions, quoi. Charlie qui réexplique, parce qu'il a découvert, en fait, sa photo. Alors, au tout début, il faisait un peu le cake. Hein. Il était là, ce gars-là, avec la photo devant la Jeep, etc. Et il a lu l'article, qui est le condensé de ce qu'il m'avait raconté, écrit par Christophe. Et puis voilà, je ne veux pas vous faire un dessin sur la suite, mais bon, voilà. Ouais. Une chose quand même. Si parmi les réactions... Moi, je trouve qu'il y a un petit manque. Ça, c'est le stress qui remonte. Non, non, non. Il veut rajouter des cahiers. Non, non, mais... On a encore 4 pages à remplir, puis c'est bon. Je trouve que il a été difficile d'avoir des témoignages sur l'action des femmes. Voilà. Oui. Beaucoup de résistants armés ou dans les réseaux ont repris leur vie normale et on peut parler. On évoque Nehru, etc. Mais alors les femmes encore plus. Et donc voilà, j'espère qu'on a. Enfin, on a essayé de faire un peu de place avec les sources qu'on avait autour de l'engagement des femmes. Mais par exemple, on avait peu de photos. Donc voilà, ça c'est un manque, ça c'est un appel. Si on pouvait s'enrichir sur ce sujet-là, ça serait super. Moi, je dirais que aux gens qui vont lire, n'oubliez jamais. Ça, c'est un peu le mot. Et puis, ceux qui ont l'habitude de se balader à pied ou en voiture dans la région ont souvent vu des petites stèles au bord de route en disant « là est tombé un tel à telle date ». Qu'ils aient une petite pensée pour ces gens-là. À la chapelle de Retor, quand vous montez au col de Richemont, à d'autres endroits qui ont été témoins de parachutage ou autres, sachez que c'est grâce à ces gens-là que on peut vivre avec une grande liberté aujourd'hui. Puis moi, je vais peut-être terminer aussi en lançant un appel au peuple, en rebondissant sur ce que tu as dit tout à l'heure. Il y en a plein les greniers à Bellegarde, des documents. On vous demande pas de les donner aux archives de Bellegarde, ce qui serait sympa, mais on va les scanner et on les rend. Donc c'est important qu'on puisse enrichir et compléter toute cette masse de documents qu'on essaye de réunir en ce moment. Sur le Front populaire, j'aimerais beaucoup écrire. Avis à la population. Alors, moi, je termine en disant, on est tous les lundis matins. On est tous les lundis matins et tous les samedis matins de 10 à 12 à la mairie. Et on accueille tous ceux qui veulent nous apporter. On a déjà régulièrement des visites. Si vous n'êtes pas gentil, Bernard sortira sa règle métallique pour vous taper sur les doigts. Regarde les doigts. Regarde ses doigts. En tout cas, merci. Merci à vous, Guy et Robert, de nous avoir permis de parler. Faut pas nous remercier, on fait simplement notre travail. C'était une belle invitation. Merci à Ludo qui a réalisé cette émission. Et on termine avec une chanson particulière. C'est Né en 17 à Lindenstadt. C'est Jean-Jacques Goldman qui dit comme ça, qu'est-ce que j'aurais été en temps de guerre? De quel côté de la barrière je serais tombé ou pas tombé? C'était une manière de finir cette émission. Merci Ludo. À très très bientôt sur cette antenne. Merci. Derrière nos apparences.